La 21e course de marathon international pour le prix Mangyongdae, consacrée à la journée du soleil, a eu lieu le 9 avril à Pyongyang. Son ouverture a eu lieu au stade Kim Il-sung. Y ont assisté le vice-premier ministre Chung Kwang-ho, les cadres intéressés, les sportifs, les travailleurs, les jeunes étudiants de la ville et les autres étrangers. Les coureurs coréens, rwandais, marocains, kenyans, éthiopiens et ukrainiens ont disputé au marathon, au semi-marathon et à la course de 10 km. Plus de 1100 amateurs venus de plus de 50 pays et régions, notamment Pays-Bas, Allemagne et États-Unis, ont participé à la course. Le coureur Park Chul et la coureuse Cho Un-ho de la République populaire démocratique de Corée ont décroché les médailles d'or. Au semi-marathon aussi, les coureurs coréens ont obtenu de bonnes performances. Parmi les amateurs, le Slovène Aleshi de Belgiac et Wu Zhiyi de Hong Kong de Chine ont occupé la première place. À la clôture, coupes, médailles et diplômes d'honneur sont distribués.